Directement dans les studios du 89.1 FM à Trois-Rivières, voici les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 23 au 29 mai 2008. Je m'appelle Mathieu Plante, je vais être avec vous pendant 3 heures pour écouter un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est tellement une bonne émission pour savoir ce qui se passe à C'est fou, parce que ça en passe beaucoup de choses. Quelques nouvelles entrées cette semaine, en fait il y en a 5. Du côté anglophone, on va retrouver Black Mountain avec Feel Free, les très très bonnes personnes de Flight of the Conchords avec Foulou Fafa. On va aussi avoir du côté francophone Derf avec Le Grain. On va avoir Lesbo Vrouven avec Greek Woman. On commence avec la nouvelle entrée en 15e francophone, c'est Carquois. Voici La Façade dans les palmarès C'est fou au 89.1. Faire shiner la façade quand le show se fait mort. Tout ça pour une façade, une image qui ferait jaser fort. Quand tout est au plus fade, quand l'usine fait plus assez d'or. Inventé dans l'espoir. Thank you. Let's Go Woman avec Greek Woman de leur album Encore la mort. Ça, c'est la nouvelle entrée en 15e position anglophone. C'est une formation montréalaise. Juste avant, c'était Carquois avec la nouvelle entrée La Façade. Très bonne nouvelle entrée jusqu'à maintenant. Il nous en reste encore 3. Du côté anglophone, on va entendre ma formation au moins top 10. Hein? Flight of the Conchords avec la pièce Food Fafa qui entre de leur album éponyme, leur album tout récent, tout frais. Ils ont réenregistré leur pièce parce que c'est des, dans le fond, c'est un groupe comique qui ont qui faisait leur pièce en temps normal dans leur numéro d'humour comme ça. Et puis là, ils ont une émission de télé sur HBO où ils ont réenregistré les pièces pour faire des vidéoclips que vous pouvez voir sur YouTube. Et là, ils ont réenregistré ces pièces-là pour les mettre sur un CD. Et il y a d'ailleurs des nouveaux vidéoclips qui accompagnent certaines pièces. En tout cas, pour l'instant, je crois qu'il y en a juste un vidéoclip, si je me trompe pas. Je vais aller voir. Mais c'est très, très bon. C'est Flight of the Conchords avec Food Fafa. Mais on commence par la 14e position francophone. C'est la dernière nouvelle entrée de ce côté-là. C'est la formation DERF. Voici le grain dans les palmarès. C'est fou, 89 FM. Oh, silence, cher Pierre-Paul. Allez, viens. Partons au moulin chercher en trouve. Il a payé le fief cette année. Hey! Fut une époque autant de blé. C'est fini les banques de moisson. Le gré m'ont donné. Le gré. C'était l'époque des moissons. C'était l'époque des quatre saisons. Autant de blé. Autant des blés, c'était l'époque des bûcherons qui attendaient ça tout le long. Autant des blés, autant des blés, autant comme autant des blés. C'était le sacre du moulin qui tourne et tourne et tourne sans fin. Autant des blés, autant des blés. Et la légende de la meule veut que le tour soit pour le grain. Autant des blés, autant des blés, autant comme autant des blés. Et j'irai moudre le grain à la fin, à la fin. Et j'irai moudre. Et pousse et pousse encore sur les grandes terres du Nord. Autant d'effets. Les foins passés au petit matin, nous irons tourner le moulin. Autant d'effets. Autant comme autant d'effets. Et j'irai moudre. J'irai moudre le grain à la fin. Évidemment, on épandait, évidemment, on cultivait autant d'effets. Et feu de cette époque, passé lointain et enterré, autant d'effets. Autant comme autant d'effets. Et j'irai moudre le grain. J'irai moudre le grain à la fin, à la fin, à la fin. C'est fini l'époque des moissons. Le gré est bon cette année. Le gré. Hey. Le gré! Le bon gré! J'ai oublié ma bière, vous voulez? chanter. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Ah, ah, ah, baguette. Ah, ah, ah, ah, ah. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme-la-mousse, ananas, jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour mon petit bureau de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, trois, quatre. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Of the Concords avec Fou de Fafa de leur album éponyme. C'est une nouvelle entrée en 14e position. Vous devez d'aller voir leur nouveau vidéoclip. C'est celui de Ladies of the World sur YouTube en ce moment même. Nouvelle version de leur vidéoclip pour l'album parce qu'ils en avaient déjà fait un pour leur série télé. Il y a tellement de choses à voir sur YouTube. Les vidéoclips de leur émission et aussi plusieurs numéros en spectacle. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Flight of the Concords, leur album est éponyme. Juste avant, du côté francophone, c'était une nouvelle entrée en 14e place. Derf avec le grain de leur album Le Temps des Démos, 10e album pour Derf, si je comprends bien, c'est Derf numéro 10. Voilà. On est rendu en fait à une dernière nouvelle entrée du côté anglophone, c'est Black Mountain avec Feel Free, mais on précède ça d'une pièce qui descend de deux places. C'est Bivouac, voici dernier round dans les palmarès. C'est fou! Au 89.1 quand même. La Radio Campus de Trois-Rivières, partout sur Internet, au cfou.ca. Game faut croire le contexte tombe, le cortex qui défonce. Mountain avec Stay Free en 13e position anglophone. La dernière nouvelle entrée cette semaine, c'était leur album In the Future. Juste avant, c'était Bivouac avec Dernier Round qui descend de deux places. Leur album s'appelle Le Synopsis de notre histoire. Avant de passer au numéro 12, Guéri la poubelle et Plants and Animals, parlons un petit peu de ce qui se passe dans les radios universitaires canadiennes avec Earshot Magazine qui nous envoie chaque semaine leur palmarès des CD qui tournent le plus, les CD qui jouent le plus donc dans les universités au Canada. C'est clair. Bon. On commence en 10e position avec un band assez intriguant. Il était au numéro 1 pendant plusieurs semaines. C'est Crystal Castles. Leur album est éponyme. Mais là, il y a eu une controverse. Là, il y a vraiment très récemment. Crystal Castles qui, dans le fond, les gens disent qu'ils font du plagiat. Oui, c'est vrai. Apparemment, ils auraient fait du sample de la communauté du chiptune. Ça, c'est de la musique qui est faite par des consoles ou des ordinateurs. Ils ont plagié, on dirait, la pièce Insecticon. Ça, c'est leur pièce à eux. C'est dur à comprendre, mais quand même. Insecticon, d'accord. Serait basé sur une pièce de Lobat qui s'appelle My Little Droid Needs a Hand. D'accord. Ils auraient aussi volé le rythme d'une chanson de Kovacs qui s'appelle Sunday dans leur chanson Love and Caring. Voilà. Donc, Crystal Castles qui est descendu à la 10e, c'est peut-être pour ça leur album est éponyme. En 9e, c'est The Wet Secrets. En 8e, No Age. En 7e, Portishead. En 6e, Teenagehead with Marky Ramone. En 5e, la formation Islands, une formation canadienne avec leur album Arms Way. En 4e, The Ramblin' Ambassadors avec Vista Cruiser Country Squirrel. En 3e, Tokyo Police Club avec Elephant Shell. En 2e, The Black Keys avec Attack and Release. Et le grand numéro 1, c'est la formation canadienne The Constantines avec Kensington High. J'espère que vous n'êtes pas trop mêlé avec mon affaire sur Crystal Castles, mais bon. Voilà. On est rendu aux 12e position du côté anglophone. C'est Plants and Animals avec Bye Bye Bye qui descend de la 5e. Mais juste avant, voici Guéri la poubelle, une pièce qui descend de 3 places. C'est quand le ciel sera tombé au palmarès. C'est fou, au 89. J'ai pas toujours du sens, mais la musique est bonne au moins. We'll be right back. happened to you. You have woke up too soon and found the world you're in. And now your feelings have changed. Say goodbye to before. Excellent, Animals avec Bye Bye Bye en 12e position anglophone. Ça descend de la 5e. Juste avant, c'était Guéris la poubelle avec Quand le ciel sera tombé qui descend de 3 places. L'album s'appelle Punk égale existentialisme. Celui de Plants and Animals s'appelle Park Avenue. On est déjà rendu aux positions numéro 11, mais avant. Avant les numéros 11, faut bien faire quelque chose, parler un peu. Parce que pour ceux qui ne savent pas encore, là, les Palmarès c'est fou, c'est pas seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone, c'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. On va faire les deux premiers pour l'instant. Une nouvelle entrée du côté du top 10 électronique en 9e avec Nine Inch Nails et leur album The Sleep. En 5e, c'est Sons of Arca avec Through the Gate We Go. En 4e, IMX avec The Alternative. Top 3 maintenant, en 3e position, c'est stable Cain Denable avec Smoke. En 2e, c'est stable aussi Portishead avec Third. Et même chose pour la première place, c'est Triphonic avec Emergence. Maintenant, le top 10 loud. Nouvelle entrée en 10e, Cold Worker avec Rotting Paradise. En 9e, Tiamat avec Amanethes. En 3e position, maintenant, on monte de 6 places pour Iron Maiden avec Somewhere Back in Time. En 2e, ça monte d'une place aussi. Bref, en général, comme ça monte juste d'une place. C'est ce que je voulais te dire. Bloodrunk. The Children of Bodom. Et en première place, je suis nul. En place, c'est stable. Protest the Hero avec Fortress. On fera le top 3 des disques canadiens. En tout cas, j'essaierai. De même que le top 30 des albums un petit peu plus tard. Mais avant, voici les 11e positions du côté anglophone. C'est Protest the Hero. Mais avant, voici Danny Placard. Et Gratiel de son album Raccourci. Beaucoup de mentions de Kenyon, de Kenyon et de Troc. Mais c'est très bon. Danny Placard. Installé sur un coin de rue, à attendre que la lumière t'emparte. Je pense à toi, ma lune, pis je m'ennuie déjà. J'ai collé ta photo sur le dash de mon pick-up. Je l'avais dit, hein. T'es bien plus belle que toi, étoiles. Passer par là, je te regarde à toutes les fois que je fais un stop. T'es toujours avec moi en picot. Quand je m'en vais travailler à chaud, Chris, que t'es belle, ma lune, mon ciel. Ciel d'à côté, le soleil revient toujours un peu trop vite. À tous les matins, il faut qu'on se quitte. Le jour se lève, tu prends la fuite. Chris, que t'es belle, ma lune, mon ciel. Goat as a Hero avec Blabeat qui monte d'une place. Ça, c'est en 11e position, anglophone. Uh-huh. Juste avant, c'était Denis Placard avec Gratiel qui monte d'une place. Donc, même affaire que du côté anglophone. Ils suivent. Il y a des pièces comme ça qui s'aiment tellement qu'ils doivent se coller. C'est comme un stalker. Les gens qui espionnent les autres. Là. C'est pas fin de faire ça. Non, j'aime pas ça. Un raccourci, c'est le nom de l'album de Denis Placard. On est rendu aux 10e position, mais avant, tantôt, je vous ai promis de faire le reste de ce qui se passe ailleurs dans les palmes parce que, bon, on a fait le top 10 électronique, le top 10 loud. Ça, c'est du passé, on n'en parle plus. On est rendu au top 3 des disques canadiens. Il y a une nouvelle entrée, Teenaged avec Marky Ramone. Et leur album, c'est Teenaged with Marky Ramone. Ça, c'est en troisième. En deuxième, ça monte d'une place, Duchess 16, avec Anthologie et Trois Perchoirs. Et le numéro 1 est stable, cinquième semaine de présence dans le top canadien. C'est l'album In the Future de Black Mountain. Côté top 30 des albums, quelques nouvelles entrées. En 30e, Fouad de Fellstone. C'est très, très bon, c'est montréalais. Leur album s'appelle Pyramid. C'est vraiment spécial comme style musical, j'aime bien. En 21e, c'est nouveau aussi, The Parlor Mob avec And You Were a Crow. En 14e, Lesbo Vrouven. Oui, Vrouven. Hein? Avec Encore la Mort, on les a entendus un petit peu plus tôt dans nos palmarès anglophones. Top 3 maintenant, l'ancien numéro 1, maintenant en 3e, Los Campesinos avec Hold On Now, Youngster. En 2e, ça monte d'une place, Man Man avec Rabbit Habits. Et la première place monte de 3, 8e semaine de présence, Supergrass avec Diamond Hoo-Ha. Supergrass qu'on va entendre un petit peu plus tard, et même j'oserais même dire, et même j'oserais même, deux fois même, ça va avoir. Très loin, on les entendra pas tout de suite, ça va être beaucoup plus tard. Tellement plus tard qu'on va quasiment défoncer dans l'émission d'après. Peut-être, on va voir. Bon, on est rendu aux positions numéro 10. Du côté anglophone, c'est Millen Collin avec Done is Done qui monte d'une place, mais juste avant, voici Shotgun. Shotgun qui dit En attendant. Bon, ben, restez fou, 89.1 FM. Colin avec Done is Done, 10e position anglophone. Juste avant, c'était la formation Shotgun avec En attendant. Et là, on finit la première heure, on a le temps pour une pièce bonus. Voici un classique de Slow King, Rival Cities, la pièce Vicinity. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, ça. Alors, c'est vous, 89 FM, restez là, on fait un résumé. Donc. As the dust rises from our dancing feet, floats in the air without a beat. As we walk down these vacant streets to a place where future politicians meet. Avec Vicinity de leur album Rival City, c'était un flashback. Ça, c'était le numéro 1 anglophone pour la semaine du 11 janvier dernier, donc en 2008. C'est tout récent, mais quand même, c'est parti depuis presque 6 mois. Je suis tout ému. Voilà, donc c'est la première, c'est la fin de la première heure des Palmarès C'est Fou. On tasse ça cette première heure, c'est fini. Carquois, Derf, Bivouac, Guérilla Poubelle, Danny Placard et Shotgun du côté francophone. Les Beauvrouven, Flat of the Concords, Black Mountain, Plants and Animals, Protest the Hero et Millen Collins sont les positions 15 à 10 du Palmarès de cette semaine. Revenez dans la deuxième heure, on va avoir du chocolat, du pomerlo, du dactylo, Fidelity, TJ, The Cooks et Mars Volta. C'est... deuxième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 23 au 29 mai 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Oui, vous me connaissez. Peut-être que vous m'aimez pas tant que ça, mais je suis là quand même dans votre radio, donc il va falloir s'habituer. On est rendu aux positions numéro 9 dans nos palmarès C'est fou du côté anglophone. C'est Teenage Head with Marky Ramone. Leur pièce s'appelle Top Down. C'est une nouvelle entrée la semaine dernière. Ça monte donc la 15e. Mais juste avant, voici Chocolat. Et moitié homme, moitié loup dans un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Ça s'appelle Les Palmarès, c'est fou. Et c'est assez fou, étrangement. 89.1 FM. Everybody's sleeping. Now my name is Lance Lance. What you think? take that chance, drop down in the sun. We'll have fun. Drop down. Gel avec Top Down en 9e position anglophone. Ça monte de la 15e, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Juste avant, c'était Chocolat avec Moitié Homme, Moitié Loup. Très bon ça, c'était aussi une nouvelle entrée la semaine dernière. C'était aussi en 15e. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces palmarès-là que toutes les pièces se suivent? En plus que ces deux pièces qui fitaient tellement bien ensemble, on dirait presque que c'était planifié d'avance. Mais ce n'est pas le cas. That's not the case, my brother. Avant de passer aux positions numéro 8, voyons un petit peu ce qui va se passer plus tard dans l'émission. Dans la prochaine intervention, je vais vous faire écouter ce qui s'en vient dans la prochaine édition de Fidon, la don, la question. Et si vous voulez avoir un avant-goût de l'avant-goût, cette semaine, ils vont faire un adieu à un de leurs plus grands fans, Denis. Hein? Et ils vont aussi parler de télé-réalité. Donc, c'est dans le prochain extrait qu'on va entendre tout à l'heure de Fidon, la don, la question, l'émission d'humour extrême, diffusée ici même à C'est fou. Mm-hmm. On va aussi balayer le plancher d'ici la fin de l'émission, donc on va parler de gens stupides qui font des choses stupides, ça c'est toujours très très intéressant. Une bonne petite dose d'humour dans ces palmes-là, il en faut bien quand l'animateur est plate de même. Position numéro 8, du côté anglophone, c'est de Mars Volta avec Goliath, mais juste avant, voici Dactylo Fidelité avec In Situ, et ça c'est stable en 8e. In Situ, Dactylo Fidelité, hein? Au moins l'animateur prend des faux accents, t'sais. Il y a ça de drôle, au moins. Dacte l'offre de l'été. Mon palmarès, c'est beau.

First Volta et Goliath en 8e position anglophone. Juste avant, c'était Dactylo Fidelity avec In Situ qui est stable en 8e. Maintenant, je crois que c'est l'heure tout à fait appropriée pour voir ce qui se passe cette semaine. Vidons-la dans la question. Cette semaine, adieu Denis. Bienvenue à Vidons-la dans la question. Aujourd'hui, on décide de pas vraiment être drôle. On décide de vous raconter une histoire. Parce qu'on juge que c'est important. On vous raconte l'histoire de quelqu'un qui vient de laisser une marque dans nos vies. Oui. Tout a commencé quand Luc et moi, on a été manger un smoked meat chez Schwartz. Ah! Sortir sa main, manger de la viande, hein? Parce que moi, je trouve que c'est correct de manger beaucoup de la viande. Excusez-moi, mais me semble vos voix me disent de quoi? Ça se peut. On anime une émission de radio. Vidons-la dans la question. Ben, sérieux, c'est vous autres, ça? Ben oui. Ah, ben, moi, c'est Denis. Sérieusement, j'écoute votre émission souvent, puis... jamais j'aurais pensé vous rencontrer aujourd'hui. Vous faites ma journée. Là. C'est fun de voir qu'il y a du monde qui nous écoute. Là, ouais, Denis, c'est ça? Oui, moi c'est Denis. Ah, enchanté. Ouais. Moi c'est Luc. Oui. Toi c'est Luc. Ouais, toi c'est Mathieu. C'est ça. Ouais. Et comme ça arrive souvent avec des gens qu'on rencontre, on a re-rencontré Denis au coin de rue Sainte-Catherine et Sainte-Élisabeth deux jours plus tard. C'est ce qui fait frais, j'aurais pas dû venir en bike. Oh non, je suis vraiment content d'avoir mis mes combines. Hey, si c'est pas Luc, Mathieu. Ah, salut les gars, ça va? C'est le gars de chez Schwartz. Oui, salut, c'est Denis. Salut Denis. Denis, ouais. C'est ça. Oui. Hey, qu'est-ce que vous faites à cette heure-là, downtown? Ben là, on vient du Sainte-Élisabeth, là. C'est ça, on va tout le temps boire une petite bière là-bas. Quand ça? Ben, c'est ça, tout le temps, c'est à chaque lundi soir, on fait comme notre brainstorm pour l'émission, tu sais, du vendredi, genre d'après, là, pour la radio, là. C'est ça. Ah, ben, c'est nice, ça. Vous avez vraiment de l'air à triper, vous autres, dans votre vie, là. Ah, ben oui, c'est clair, ben, on essaye, là. Au Sainte-Élisabeth, le lundi soir, vers 1h30, il s'en est souvenu. Fait que le lundi suivant... Hey, les gars! Ah, tiens, c'est Denis, ça, hein? Une drôle de coïncidence, là. Hey. Voilà. Hey, salut les gars, ça va? Salut, Denis. Ouais. Hey, sérieusement, là, j'ai écouté votre émission la semaine passée, là. Okay. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai tellement ri, là, avec le concours, là, pis le monsieur qui mangeait le pénis de chevreuil, là, à la place de sa madame qui mangeait le pénis de chevreuil. J'ai tellement ri, c'était une madame? Ouais. C'était moi qui la faisais, mais en tout cas, bon, c'est correct. Ah, c'est pas grave, non, mais c'était vraiment drôle, là, mais. Bon, qu'est-ce que vous faites à soir? Ben, on est ici pour écrire, là, comme d'habitude. Ah, mais venez vous asseoir avec moi à ma table. C'est comme ça que ça a commencé. On a jasé toute la soirée. Ouais. Il nous a payé des verres de bière. Il nous a payé des tournées de shooter. Donc on a décidé de l'inviter à souper. Puis le souper a mal tourné. Aujourd'hui, on va vous conter pourquoi un jour, il a fallu qu'on quitte Denis. Et c'est suivi de la télé-réalité. Cette semaine... La famille Casse-Grain est à table. Chérie, passe-moi le beurre, s'il te plaît. Il va lui passer le beurre. Que? Il lui a passé le beurre. Est-ce que le linge est sec? Ouais, mam. Oublie pas d'enlever la petite mousse de dessus sur le fil de la sécheuse, là. Quand le linge est sec, on enlève la petite mousse de dessus sur le fil de la sécheuse. Vous me faites chier avec votre crise de petite mousse. Hey, on me parle pas sur ce ton-là, toi. Va-t'en réfléchir dans ta chambre. Hostie. Elle est allée réfléchir dans sa chambre. Bon. Faut que je parte faire les commissions, là. Bye. Bye, chérie. Bye, mon amour. Que c'est beau, l'amour. Bon, la mère qui est partie, la petite qui réfléchit dans sa chambre. Gratien est maintenant seul. Crébin, je vais aller checker des petites poupons sur le net. Ouais, ouais. Ça va donner un bon show de télé-réalité, ça. Fais des gueules, voyons le père, passe à TV! Elle a pogné son père, les culottes baissées. C'est pas parce qu'il y a des caméras qu'il faut s'empêcher d'être naturel. Ouais, mais là, de quoi qu'on a l'air? De quoi qu'ils ont l'air? Ok, là, là, les voix, là, mêlez-vous de vos affaires, pis. Ou ben chantez donc d'autres choses, t'in. Aïe, aïe, c'est nice. Vous êtes vraiment capable de chanter n'importe quoi? Hey, les voix. Connaissez-vous ça, Simple Plan? Is anybody going crazy? Is anybody going to save me? Est-ce que la petite Alexandra Rose est en train d'envoyer un message à son père Gratien, à sa mère Sylviane, en faisant chanter du Simple Plan aux voix? Restez avec nous, parce qu'après la pause, Sylviane refait sa manucure. Elle se met du cutex sur le pouce. Du suspense. Se met du cutex sur l'index. De l'action. Se met du cutex sur le majeur. Des revirements. Se met du cutex sur l'annulaire. Des aventures qui n'en finissent plus de finir. Se met du cutex sur le petit doigt. Reste avec nous pour connaître la suite. Puis elle s'attaque à notre main. Et bien, c'est ce qui s'en vient dans la prochaine édition de Vidéo en question. Programme double toutes les semaines, tout l'été. Donc, adieu Denis et la télé-réalité. Ça se passe sur nos ondes, assez fou, les lundis à 16h, les mercredis à midi, les vendredis à 9h et les samedis à midi. Tout ça sur le cifou.ca, évidemment, si vous voulez plus d'informations. Vidéo la donc, la question, l'émission d'humour extrême avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Nous, dans les palmarès cifou, on est rendu aux 7e position du côté anglophone. On va entendre The Kooks avec Always Where I Need To Be qui monte de 2 places. Mais avant... On va aller entendre du côté francophone Pomerlo et J'aime pas. Mais quelle surprise! C'était assez... c'était inattendu. C'était insoupçonné. Ouais. Indescriptible. Entre autres. Surtout. Sous mes yeux, le plus laid tableau. Plus jamais au bord de l'eau. Que de mystère autour de la terre. À ce nom que l'on la défait. Tournez trois fois votre langue avant que tout ne tremble. Les gens sont violents, on recherche l'argent. Devrait tirer des abous portants. Ravageons nos paysages. Résultat de notre passage. Que de voitures pour la nourriture. Laissez à ceux qui triment dur. Nous glissons vers le fond. Allez, un peu de communication idéologique. Un code d'éthique. De bonne musique pour fuir le tragique. Hey, hey, hey, hey. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu. Certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu. Vraiment loin d'être abattu. Ne me tue trop pas, ce que tu fais, j'aime pas. What about? Ouah, ouah, ouah, la, la, la. What about? Ouah, ouah, la, la, la. What about? Ouah, ouah, la, la, la. What about? Ouah, ouah, la, la, la. J'aime un peu de gêne, plus jamais de toi la haine. Pas détruire ton ennemi avant qu'il devienne ton ami. Distorsion des religions, mon Dieu, j'ai manqué l'avion. La route n'est pas longue, j'aperçois les temples. Brouiller les ennemis avant l'Amazon. Oh, oh, oh, oh. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin d'être abattu. Ne me tutoie pas, ce que tu fais, j'aime pas. What about? We'll be right back. carrière. Je ne fais pas partie d'une armée. Je suis seulement conflit d'intérêts. Je prêche pour la paix. J'aimerais l'avoir, n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin d'être abattu. Ne me tutoie pas, ce que tu fais, j'aime pas. The Cooks, c'est Always Where I Need to Be en 7e position anglophone. Ça, ça monte de 2 places. Oui, juste avant la pause, en fait, on avait entendu Pomerlo avec J'aime pas. Tout à fait. C'est-tu ce que j'aime autre que Pomerlo? Non. Ah, c'est-tu qu'est-ce que j'aime autre que Pomerlo? Ah, vas-y, vas-y. La poutine. Oui, la poutine. Ben oui, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la poutine? C'est l'heure de vos poutine news. Ouais, c'est ça, une breaking poutine news. Breaking poutine news. Ben oui, le festival de la poutine, au mois d'août, c'est encore loin, le 29-30 août, festival de la poutine organisé par les Trois Accords. Attends, t'as-tu dit que c'était du 25 au 30 août? Poutine, t'as pas eu-tu? Il devrait marquer ça sur l'affiche. Poutine. On envoie la suggestion tout de suite. D'accord. Par pourriel. Oh! Du grand Mathieu Plante. Tu sais, ouais. 6 pieds 3 minimum. Au moins. Qu'est-ce que tu disais? Ben, festival de la poutine, donc... Mais qui c'est qu'il va y avoir dans cette poutine d'artistes-là? Ben, il va sûrement avoir beaucoup de gens qui aiment la poutine, j'imagine. Okay. Mais il va y avoir, entre autres, comme artiste invité, il va y avoir Éric Poutine Lapointe. Ah. Il va y avoir Pépé et sa poutine. Oh. Kodiak, Omnicrome, Pascal Picard Band et Sylvie pour les enfants. Parce que les enfants aussi ont le droit de manger de la poutine. Oui, pas trop. Petite portion. Voilà. Avec un jus et des petites pommes qu'on peut tremper dans le caramel. Petite poutine, petite pomme. Des poutines. Poutine. Voilà, comme c'était, les sept c'était les Poutine News. Poutine News! Seulement dans vos oreilles au 89 FM. Ça va nous prendre un thème pour ça, je pense, les Poutine News. Poutine! Voilà, ça va être ça notre thème. OK, on est rendu aux positions numéro 6 déjà. Key One. Hey, toi, tu avances trop vite dans le palmarès. Ben oui, quand j'arrive, c'est presque fini, donc... C'est pas assez long, je trouve, là, les palmarès, vraiment. Là. On rajoute une quatrième heure, on enlève la dernière porte à gauche, c'est ta chie. Ben, au pire, on fait ça. Au pire. OK, donc, la sixième position anglophone, c'est The Cat Empire, un chat qui aime les poutines, sûrement. So Many Nights, c'est le nom de la pièce, ça monte de deux places. Et côté francophone, c'est Cliché Hot de Radio, comme vous le dites si bien par chez vous. Vous pouvez me tutoyer. Ben, je parlais de ton groupe d'habitants locaux. OK, ben, ma région. Ouais, c'est de poutine au Québec. Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on les entend présentement à Radio, sont en position numéro 6, c'est leur deuxième semaine sur le palmarès, ils étaient en position numéro 14 la semaine passée. Oui. Cliché hot, je me réveille, cliché hot dans mon lit. Prends ma promenade, puis j'ai vite compris. Cliché hot, la nouvelle mode qui rend ta vie. Petite culotte, porte chartel aussi. Cliché hot, personnage et vivre au ciel compris. Cliché hot, la mode à elle ou la mode à lui. C'est cliché hot, t'es compliqué d'un cliché hot, t'es conflit. Cliché hot, c'est la mode, celle-là qui est pas consentie. Belle fille qui rentre dans la place, c'est si jolie. Abîme ses orteils, vêtements, puis sa face aussi. Cliché hot, c'est lui dire, tu la vois dans ton lit. Cliché hot, un sourire, puis elle te dit, moi aussi. Pas capable de voir le cliché, vos gars, tu sais qu'est-ce qui est cliché? Mon popsicle, une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. Pas besoin de prescription, ta première frappe est free. Ice cream, you scream, tout le monde veut de l'ice cream. Le ice cream man, que des flavors dans la van. J'ai dit ice cream, you scream, tout le monde veut de l'ice cream. Le ice cream man, que des flavors dans la van. Une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. T'as pas besoin de prescription, ta première frappe est free. J'ai dit une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. T'as pas besoin de prescription, ta première frappe est free. Yo, cliché hot, cliché hot. Hot. Shot, cliché hot, shot, yo, cliché hot, cliché hot, shot, cliché hot, cliché, cliché hot, city hot, city cliché, cliché hot, c'est qui fait des dutchy dutchy cookin' on dutch, city hot, city cliché, cliché hot, c'est qui fait des dutchy dutchy cookin' on dutch, j'veux pas te mettre sur le spot, mais t'es cliché hot, porte une skirt dans l'hiver, comme une forme de pomme de terre, look it there, check les Gino pour la l'air, chemise ouverte, et tiens 20 pièces, va t'acheter du nerf. Une grosse moustache comme Magnum P.I. C'est le stéréotype, oui c'est cliché hot. Le gangster, ouh oui t'es gangster. Pimp chain, BB gun dans les vidéos. Cadillac avec un corps ou dans le coffre. Qui c'est la main du flic, ça c'est chic, original. Le seul qui pense de faire ça, ouh regarde à ça. Des troupes en petite culotte avec un nom Westby dans l'élastique. Des rimes faites en plastique, ouh c'est fantastique. Déjà vous, comment allez-vous? Ou t'es get a review? La cliché hot madame avec le tube top. Parfaite combinaison, faite pour la saison. Faites sans raison. Cliché hot, cliché hot. C'est quoi c'est cliché, mais c'est cliché hot. Cliché hot, cliché, cliché hot, cliché. Arrache ta chemise, bitch, t'es cliché hot. Cliché hot, hot, cliché hot. C'est cliché hot, c'est cliché hot. Cliché hot, hot, cliché hot. C'est cliché hot, c'est cliché hot. Cliché hot, hot, cliché hot. Cliché hot, hot, hot. J'veux pas mettre sur le spot, but t'es cliché hot. Urban style turns vite, y'a des femmes qui t'y cassent à la glace. Le vieil flag, comme un changement now. Trois jours à la mode, quatre jours d'excellent. So, écoute le sound qui dit que t'es bon. J'te dis que t'es bon, c'est ça qui vend. Positive reinforcement pour les enfants. Oh, jet never mind, le boss dit non. Le monde refuserait, le rejecterait, le traduirait, puis y finirait. À l'entendement, jusqu'il acclamerait et l'écouterait. Et dira comme est-ce qu'il aimait. Ah oh, ouais, y'a ta grace, c'est ta mon révolutionnaire, il faisait vraiment de la suite. Like une fois que t'es gone, que tu sois venu. Ton image à la mode, mais 10 personnes t'ont vu. Un récent, tout le monde le veut. Un récent, tout le monde est né. Un récent, tout le monde le veut. It doesn't matter what I say, it doesn't matter what I do. It seems I'm gonna have to change my look for you. Cause, well, I've got two shoes, but they've been walked too far. And I think that we could float from evening to the stars. When I see you in the distance with your friends, I look around and I look down at my threads. It's inappropriate that I should present like a retired man at all with unpaid rent. So many nights I'm still thinking about you, and so many nights you step in and I walk through. So he doesn't care, step be still, comes he's there. So what am I supposed to do? Well, I bought a suit and I bought a top hat, and I put a red strap down the side of my slacks. Went to the barber, got my hair cut high, and I bought a ticket for the opera tonight. But when I see you, your modest and your pride, it's nice to greet you with an interrupted stride. Besides, you say good evening, you don't say good night. So Many Nights de leur album du même nom. Ça, c'est la position numéro 6 anglophone. Ça monte de 2 places. Et juste avant, on avait entendu Cliché Hot de Radio Radio, un groupe qui vient de l'Acadie, Mathieu, qui est en position numéro 6. Oui, de l'Acadie. Et je pense qu'on a une nouvelle concernant l'Acadie. C'est l'heure de quelques autres Poutine News. Thème musical, s'il vous plaît. Ça fait-tu, ça? Un peu plate pour du poutine. Ouais, ben, tu sais, c'est un beat poutine. Ah, tu veux que je fasse poutine? Ouais, c'est ça. Ah, si, je t'ai pas vu venir par toi. Qu'est-ce que je dis quand même? Tu peux trop aigu comme voix, je pense. On m'entend plus, je pense, à ce niveau-là, c'est les chiens. Mais bon, je pense qu'on est dans le Poutine News. Oui, Poutine News. Donc, tu me demandais la poutine acadienne, c'était ouais, quoi? Oui, parce qu'on était avec, Radio, ouais. Groupe acadien, Festival de la Poutine. Le lien est là quand même. Oui, le lien est là. On se disait qu'il y avait sûrement une particularité à propos de la poutine acadienne. Ben, c'est ça. Dans le fond, il y a 2 recettes d'origine acadienne qui s'appellent poutine. Okay? T'en as une qui est servie en entrée ou en plat principal et l'autre qui est servie comme un dessert. C'est intéressant quand même. Les 2 recettes qui sont très, très différentes et qui ne doivent pas être confondues avec la poutine québécoise, c'est complètement différent, là, qui est composé de frites, fromage en grains, sauce brune. Bon. La plus connue, c'est la poutine râpée. La poutine râpée qui est, je crois, une insulte aux fans québécois de poutine. C'est ça. Donc, c'est le plat national des Acadiens, surtout ceux du sud-est du Nouveau-Brunswick, et ça peut se comparer au Klobé ou Knödel, qui est de la cuisine allemande. Donc, ça se prépare en mélangeant des pommes de terre cuites et pilées à des pommes de terre crues. Le mélange est ensuite façonné en boules de la taille d'une balle de tennis dans lesquelles on insère du lard ou de la viande de porc, ou plus rarement du bœuf, du poulet ou des pétoncles. Les poutines sont ensuite bouillies et dans l'eau pendant 3 heures avant d'être servies en entrée ou en plat principal. Il y a une variante de cette recette-là qui s'appelle la râpure, qui est populaire dans la région de la Baie-Sainte-Marie et dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Contrairement à la poutine râpée, la pâte de pommes de terre n'est pas servie en boule, mais plutôt étendue dans l'assiette. La râpure est habituellement accompagnée de viande ou de fruits de mer. Donc ça, c'est ce qu'on ne retrouvera pas finalement au festival de la poutine de Drummondville. J'espère que ça va être de la bonne vieille poutine. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait tous les sites de poutine, c'est question de varier un peu, puis de tester de nouvelles affaires, goûter à des nouveaux trucs. Oui, qu'il y ait un kiosque poutine culturelle ou poutine du monde. Poutine du monde, World Poutine. Ouais, c'est très bon. Est-ce que tu veux entendre parler de la poutine dessert? Ben, vas-y donc. Ben, oui. Donc, l'autre poutine acadienne, la poutine à trous. C'est un mets acadien donc servi en dessert. Elle se présente sous la forme d'un beignet farci de petits raisins secs, de bleuets ou de canneberges et de morceaux de pommes. Ces petites pâtisseries sont servies nappées d'une sauce faite d'un mélange d'eau et de cassonade. Ça a l'air très bon, pour vrai. Ouais, sauf que finalement, on peut appeler n'importe quoi Poutine, si je comprends bien, là. Je vais t'appeler Poutine à partir de maintenant. Parfait, je t'appelle moi aussi Poutine. Ben, on va tout être une gang de Poutine. Yeah! Yeah! Tu fais le fromage ou la sauce? C'est l'intégralité de la Poutine. T'es vraiment. Total, tout dans le fond. Ouais, t'es total package, ouais. Comme on dit. C'est ça. C'est ça. Merci Wikipédia, d'ailleurs. C'est bien gentil de ta part. On est rendu aux positions numéro 5. Déjà, Steven est du côté anglophone avec Long Road. C'est l'ancien numéro 2. Et du côté francophone, Obese avec La Descente du Coude qui monte de la position numéro 10 à la position numéro 5. C'est vraiment une très très bonne pièce que j'adore. Sans moi aussi, écoutons la nôtre tous ensemble. Oui! Poutine. Poutine. Tu sais, les pas marrassés pas avec Poutine et... Poutine toi-même. J'ai tout plein de hobbies dans ma biographie. On s'est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires. En orbite autour des critères de sélection. Je monte de terre à terre. En orbite, tout bien en temps. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Je roule ma boule dans le talot. Le secret en secret des souhaits muets. Me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus et cette tour de langue. Le tourbillon de la parole du sage. L'universel reportage. Ça va, ça va, ça va. La vérité en marche. En orbite ou bien en top. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. De cracher sur le boursier.

troisième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 23 au 29 mai 2008. Il s'appelle Kiwan Rykovczynski. Il s'appelle Mathieu Poutine Plante. Wow, c'est ça. Donc on va oublier qu'on s'appelait Poutine maintenant. Il faut s'habituer. Il faudra. C'est un nouveau nom. Il faut peut-être passer un article dans le journal pendant 5 semaines et débourser 300$. Pour faire des pubs, une auto-promo sur C'est fou. Ah, c'est bon ça. Écoutez, Poutine et Poutine dans les Poutine C'est fou. Pas game. Les Poutinais. Non, je suis pas game. Pas tout en fait. C'est très drôle. Dans cette troisième heure, on commence avec les positions numéro 4 du côté anglophone. C'est Duchess 16 avec Caught Up. Et du côté francophone, c'est Macken Kodzapo avec Miss Parano. C'est toi ça? Moi? Miss, ben Poutine c'est féminin quand même. On dit pas un Poutine. Ouais, c'est vrai. Un Poutin. T'as déjà entendu ça? T'as un Poutin. Je suis une Poutine très paranoïaque. Ouais, et délicieuse. Duchess says avec Cut up. C'est le nom de la boule. Quatrième position, donc ça monte de 3 places. Hey, Duchess says qui vont faire partie de la programmation du festival d'été cet été. C'est au mois de juillet, du 3 au 13 juillet. J'ai pas la date exactement pour Duchess says, mais ils font ça l'été maintenant, le festival d'été. C'est rendu l'été. Ouais, c'est nouveau parce qu'ils trouvaient que l'hiver, c'était pas vraiment avec le nom. Non, hein. Ouais, c'est ça. Fait que festival d'été, Duchess says, c'est les spectacles en salle à l'Impérial. Donc, surveillez ça, c'est entre le 3 et le 13 juillet. J'ai pas la date exacte. J'ai entendu dire que c'était très bon en spectacle, Duchess says. On m'a dit, t'es pas vraiment en spectacle, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu vois. C'était de la chance d'y aller. C'est une phrase qu'on entend souvent d'ailleurs sur le trottoir. Là. Tous les jours. Ouais. Ouais, tous les jours. Et puis la position numéro 4 qu'on a entendu précédemment, c'était Miss Parano de Maken Kodzapo. Ah, c'est toi ça, on l'a dit tantôt. Miss Parano. Oui, oui. Dit la poutine. Dit la poutine. Ouais. Aussi beau que la poune comme nom, c'est catchy pas mal. T'as toujours aussi belle tuque que la poune aussi. C'est... Ah ouais, tu trouves? Oui. Je sais que c'est pas connu, mais la poune portait tout le temps, tu sais. Ouais, je sais, mais là, je me demande si je dois être touché ou je sais oui, pas. Oui, sois touché. Okay. C'est ce qu'il y a de meilleur, être touché. OK, on va passer aux positions numéro 3, Mathieu. Merci beaucoup. Position numéro 3 anglophone, c'est Los Campesinos, Death to Los Campesinos. C'est ça, c'est le numéro 1 de la semaine passée, donc on a un nouveau numéro 1. Et du côté francophone, la position numéro 3, c'est Plasticine avec Zazie fait de la bicyclette. Toute la nuit! Toute la nuit. Ah, suivons-la. En 1966, Mini Juppé Pop Music, Twiggy Flana Carnaby. Zazie part dans la nuit, Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. We'll be right back. Los Campesinos et Death to Los Campesinos, l'ancien numéro 1, maintenant 3e place des palmarès anglophones de C'est Fou. Et juste avant, on avait entendu en hausse d'une position à la place numéro 3, c'était Zazie fait de la bicyclette de plasticine. Très bon ça. Oui. Que dire de plus? Donc disons rien. Rien, voilà. Rien. Poutine. Non? Ouais. T'es-tu le meilleur mot que ça? Ben moi je disais rien, là, c'est tout. Rien, c'était assez, en fond. C'est ce que je faisais, là. Ouais. Je disais rien. Ben c'est une bonne idée, je trouve. Ouais. Parlons-en encore plus. Je donc. Continue, je vais continuer de dire rien. Bon. Ben tiens, va-t'en donc, mon Kiwan. OK, niaisant. Deuxième position du côté anglophone, c'est Man Man avec The Ballad of Butterbeans. Ça aussi, c'est très bon. Ça monte d'une place. Ça va être numéro 1 bientôt, ça, je pense. Mm-hmm. Man Man, que c'est bon. Et du côté francophone, c'était à la position numéro 1 la semaine passée. Donc, ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 cette semaine. C'est Éléphantine avec En attente d'un moment présent. Ils étaient en entrevue à une émission qu'on appelle La dernière porte à gauche. Oui, une certaine émission, les vendredis soirs à 20h. Et puis, c'est aussi, je crois, en balado-diffusion, cette entrevue-là. Ben, tout à fait, mais quelle belle façon de plugger le www.cif.ca. Très beau site. Allez-y tout de suite dans la section balado-diffusion. Il y a l'entrevue complète avec Éléphantine et l'animateur quelconque de cette émission bidon, qui est la dernière porte à gauche. Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais le dire. Ben, rien que t'avais dans la bouche, toi. Ben, tu sais, t'as quand même été doux, là. Moi, j'aurais été vraiment plus sauvage à l'endroit de cet animateur-là. Ben, vas-y! Garde-toi! Ben non, je serais pas ça quand même. Tu l'aimes. Il est super gentil, ça a l'air. Ouais. Il a un beau nom. Ouais. Vas-y, dis-le, ça te Poutine! Ah! Poutine. Donc, tout de suite, voici Éléphantine. Rien qu'on disait. C'est pas mal ça qu'on a dit dans le fond, maintenant. Ça se résume à ça depuis un bout, là. À quelques mots près. Rien. Rappelez plus tard. Man avec The Ballad of Butterbeans, numéro 2 anglophone, ça monte d'une place. Et juste avant, c'était Elephantine avec En attente de moment présent. On est déjà rendu par le moment présent, ne l'attendez plus, c'est les numéros 1. Oui. Et là, on dit pas les numéros 1. Mais je sens que t'aurais un jeu de mots pour nous, Mathieu. Arrête, j'ai-tu des jeux de mots des fois, moi? Tu passes la semaine à les préparer. Hey, c'est plate, dire ça. Pas fin. Non! Bon, attends. On vient d'entendre Man. C'était du xylophone un peu. Oui. Si je prends mon bâton de xylophone puis je te le sac dans le nez parce que t'avais pas de belle subtilité de même, tu vas-tu aimer ça? Ça se pourrait que je saigne. Oui, ça pourrait être du mauvais sang qui sort de ton nez. Je pense qu'il va falloir qu'on aille dehors pour essayer d'éponger ça avec du gazon. Ouais, pis mais ça... du gazon, c'est pas assez. Il faut des grosses de gazon, du genre de super gazon, on pourrait dire. Ouais. Parce que sinon, ça pourrait provoquer ma mort à petit feu. Oui, je pourrais aussi mettre le feu aux baguettes de xylophone. Hein? Là, ce serait évidemment ta fin. Et puis, je pourrais dire bonjour, K1. Comme dans bye-bye, bonjour, Poutine. Bonjour, Poutine, qu'on pourrait t'appeler. Et voilà, quel travail, Mathieu. Voilà, job bien fait. C'était du bon travail. C'était vraiment ça. Tu me dis une autre affaire que j'aime pas, puis direct dans le nez. Je n'ai pas arrêté de voir ailleurs comme un terrain miné. Mes jours à flotter derrière toi sont comptés et songer aux instants rompus. Est-ce avouer qu'ils sont trop présents? Le vent ne transportera plus tous ces moments. Non, non, non, non. C'est à ne pas savoir comment s'y prendre. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, la fin c'est une longue entente. Plus on y songe, plus elle est fébrile. La certitude c'est une conne qui se défile. Je n'ai pas arrêté de croire qu'ailleurs ce ne sera pas comme ici. Les soirs à traîner derrière toi sont écrits. Je ne sais pas lire entre les lignes. Je ne sais pas lire entre les lignes. Non, non, non, non. Non, non, non, non. C'est à ne plus savoir comment s'y prendre. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai pleureux qui part, qui disparaît à petit feu. Et c'est là-dessus que se termine la première partie des palmarès. C'est fou, donc on va faire un résumé des positions 3 à 1 de chaque côté. Commençons par, au hasard, tiens, le francophone. Côté francophone, position numéro 3, c'était Plastine avec Zazie fait de la bicyclette. Position numéro 2, c'était Elephantine qui était la position numéro 1 de la semaine passée, qui sont descendus à la position numéro 2 avec la pièce En attente de moment présent. Et la position numéro 1 qu'on a entendue juste avant la position numéro 1 anglophone, c'était Bonjour Brumaire avec La fin à petit feu. Ça, c'est plus logique de faire l'anglophone en premier. Du côté anglophone, le numéro 3, c'est Los Campesinos avec Death to Los Campesinos qui était numéro 1 la semaine dernière. En deuxième, ça monte d'une place, Man Man avec The Ballad of Butterbeans de leur album Rabbit Habits. Et le grand numéro 1 monte de 3 places. Ça a pris 7 semaines avant que ça se rende. La même chose pour Bonjour Brumaire de l'autre côté. C'est Supergrass avec Bad Blood. 7 semaines, c'est pas mal long, ça, quand même, pour monter au sommet. C'est du bon travail. Oui. Un peu comme nous. Oui. Des fois. C'est moins long, quand même, nous autres. Ça prend pas 7 semaines pour arriver au sommet. Ça prend 2h36 minutes. Et voilà. Et pour les 24 minutes qui suivent, ça va être Écoutons la don la chanson. Restez avec nous parce qu'on va entendre, entre autres, et là, ce ne sont que quelques noms, du Run Chico Run qu'on a reçu cette semaine. J'adore ça. On va sortir un bon vieux classique de la descente du coude. Mm-hmm. Et puis, The Kooks. C'est ce qu'on vous réserve dans la dernière demi-heure qu'on appelle Écoutons la don. La chanson. Alors restez avec nous. Au 89.1 FM, c'est fou. Dans vos oreilles. Merci de magasiner chez Walmart. Ça sonnait comme ça. Comme... Ah ouais? Poutine. Poutine. Minutes après les palmarès, c'est fou. Écoutons la don la chanson. La deuxième partie des palmarès, c'est fou qu'on appelle Écoutons la don. La chanson. Ouais. Mm-hmm. Il s'appelle Bird, je suis Ernie. Et puis, non. Poutine et Poutine. Ouais, comme d'habitude, là. Kiwan et Mathieu, disons. Ça va faire. Ouais, c'est correct. Donc, dans cette dernière demi-heure, comme on fait à chaque semaine environ, c'est qu'on vous permet d'entrer dans notre intimité. L'équipe des palmarès, c'est fou. Et puis là, cette semaine, c'est Kiwan et moi. Mm-hmm. Bon, ça veut pas dire que t'as choisi la musique, par exemple. Non, c'est absolument pas mon intimité, finalement. Non, mais t'entres dans la mienne. Ouais, c'est ça. Pas trop, par exemple. Non, quand même, un bras de distance, là, comme à l'école. Peut-être deux. Ouais. En tout cas, quelques mètres. Allons-y avec le métrique. Ce soir, on va entendre la descente du coude de Kooks. Mais on commence avec une formation que j'ai découvert quand je suis arrivé à C'est fou, en 2004. Hein? Très belle époque. Mm-hmm. Un des premiers albums que j'ai entendu, c'est celui de Run Chico Run. Et là, j'ai reçu le nouveau assez fou cette semaine. Il s'appelle Rocket Surgery. Et on va l'entendre la pièce qui s'appelle Ghetto Treat. Ils ont-ils fait une pièce pour toi? Oui. Oui? C'est ça. Oui, c'est ghetto. Moi, in the ghetto. Je sais pas combien de doigts faire avec le ghetto. Tu casses ou tu... Wikipédia. Ah. Écoutons la don. La chanson. Thank you. Descente du coude avec la pièce qui s'appelle L'Axe du Mal, Malaxé. Ça vient de leur maxi, croyez-moi, ça fait mal. Et ça, c'était le numéro 1 du palmarès francophone la semaine du 26 novembre 2004. Ça a changé depuis la descente du coude, hein? Tellement, hein? Pas mal moins punk, moins agressif. Oui, toujours aussi accrocheur. Hein? Oui, vraiment. Très bon. Juste avant, c'était une nouveauté qu'on a reçue cette semaine. C'est Run Chico Run avec la pièce Ghetto Treat de leur album Rocket Surgery. Voilà. Maintenant, mais c'est l'heure de balayer le plancher. Oui! Notre tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides. On commence en Autriche. Une femme qui a intoxiqué 19 personnes, dont elle-même, dans une rame du métro de Vienne, en faisant usage d'une bombe au poivre lors d'une altercation avec un passager qui s'était plaint qu'elle parlait trop fort sur son téléphone portable. Selon un communiqué de la police viennoise, 17 écoliers, leur instituteur et la passagère au téléphone ont dû être conduits à l'hôpital à la suite de l'incident. L'homme incommodé par le niveau sonore de la conversation téléphonique de la passagère ne semblait pas en revanche, avait, lui, quitté, l'article est drôlement écrit, les lieux avant l'arrivée des policiers, donc lui, il n'a pas été touché par ça. Selon la police, les deux passagers en étaient venus aux mains avant que la femme ne fasse usage de sa bombe aérosol au poivre. Est-ce qu'on sait si les autorités autrichiennes vont bannir l'utilisation du cellulaire dans les transports en commun? Oh! C'est ce qui serait bon avec une bombe au poivre? Vas-y. Une poutine! Tu m'as pas vu venir, hein? Pas du tout. Tu m'as pas vu pendant. Un prisonnier s'est enfui de la prison de Linz en Autriche en se glissant à travers l'espace servant à passer les repas dans la porte de sa cellule. Peut-être des poutines. Peut-être. L'homme âgé de 19 ans et originaire du Kosovo ne pesait pas plus de 55 kilos. Il était détenu pour être rentré illégalement en Autriche. La police locale, qui l'a qualifié d'homme serpent, n'a pas été en mesure d'expliquer comment il a réussi à quitter l'enceinte de la prison. C'est incroyable, là. Mm-hmm. J'ai rien à rajouter. Ouais. Que veux-tu? T'as pas beaucoup d'imagination? Ben, c'est quelque chose que, c'est quelque chose que je peux pas faire, donc tout ce que je peux pas faire, je l'imagine pas. Ah, bon, tu vois. C'est une belle façon de vivre. Un Néo-Zélandais qui n'avait pas d'argent pour régler ses achats dans une station-service a décidé d'avoir recours au troc pour payer ses M&M et ses frites, peut-être pour de la poutine. Peut-être. Et il a proposé de la marijuana au vendeur sans remarquer la présence juste derrière lui dans la file d'attente de policiers. Il a immédiatement arrêté. Le 22 mars, Wade Churchward, 28 ans, s'est rendu dans une station-service de la capitale néo-zélandaise Wellington, où il a acheté deux paquets de M&M et des frites. Il avait bu et a commencé à piocher dans les M&M dans la file d'attente. Une fois arrivé à la caisse, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'argent pour payer. Il a alors proposé au caissier une petite quantité de mari et une pipe pour la fumer. Mais Wade Churchward n'avait pas remarqué la voiture de police stationnée dans le parking et l'agent qui le suivait dans la file d'attente. Il a donc été arrêté sur le champ. Il a plaidé coupable de possession de marijuana. Relâché sous caution, il va paraître le 3 juillet devant un juge du comté de Masterton. La possession de mari est habituellement punie d'une faible amende en Nouvelle-Zélande. Ouais, je pense qu'il a payé sa caution avec ses M&M et ses frites. Ah, bon. Tous les trocs sont bons, dans le fond. Ben, pourquoi pas. Un peu comme Danny Placard dirait. Les trucks sont bons! Les pick-up trucks. Les pick-up trucks. Écoutons-la donc. La chanson. Did you see the way she looked at me? Oh, honey, we got two lies and she's got me. What are you doing at the bar? Then I jump back into my rock. And in the power of my gun, I hope I'm not the only one. Yes, I see the way she looked at me. Well, she's got an eye for an awkward guy like me. I try to look her back. Then I jump back into my rock. And in the power of my gun, I hope I'm not the only one. And in the power of my gun, I hope I'm not the only one. Yeah! I try to look her back, and then I jump back into my rock. And in the power of my gun, I hope I'm not the only one. No one on earth I'm a Irish Blood, English Heart de Morrissey, que j'ai fait jouer pour qui? Pour toute la Morrissey. Ah. C'est pour ça que je l'ai fait jouer, juste pour pouvoir dire ça. Ah, ok. Morrissey pour la Morrissey, j'aime ça. Ah. Ah, juste avant, c'était The Kooks avec leur album Inside In, Inside Out. Ça n'a jamais été sur le palmarès, ça, par contre. C'était la pièce Eddie's Gone, mais vu qu'ils sont maintenant sur le palmarès avec leur nouvel album, ça valait la peine de le ressortir. Voilà donc pour écoutons la don la chanson et les palmarès c'est fou, c'est déjà la fin. Kiwan aussi avec la dernière porte à gauche, qu'est-ce qui se passe ce soir, Kiwan? Ce soir, la dernière porte à gauche, la programmation du festival d'été a été dévoilée le 21 mai, donc cette semaine. Donc je vais effeuiller ça un peu. Il y a vraiment des bons trucs qui se passent du côté francophone. Donc je vais passer plusieurs artistes qui vont être du festival d'été de Québec. Pour savoir c'est quel festival, celui qui a pas de poutine. Ouais, c'est celui qui est l'été aussi. Oui, aussi. Celui qui est l'été, qui a pas de poutine. Donc, c'est ça. Là. Alors, la programmation du festival d'été qui va passer dans mon émission aujourd'hui. J'ai bien d'entendre ça. Merci, Kiwan. La dernière porte à gauche à partir de 20h, juste après nous, les vendredis soirs. Merci d'avoir été là en général au palmarès aussi. Ben, c'était un plaisir, Mathieu. Très gentil de ta part. On se retrouve la semaine prochaine, très oui. Certainement. Et moi, je vous retrouve à la connexion et puis au poste d'écoute les vendredis matin à 10h. Les palmarès sont toujours en direct le vendredi soir à partir de 17h, ainsi que les mercredis et les jeudis après-midi. Nous, on se quitte sur la musique de Flight of the Conchords. On va entendre un extrait de la pièce The Most Beautiful Girl in the Room. Et la plus belle fille dans la pièce saura se reconnaître. C'est bien sûr Kiwan. C'est moi? Mais oui, Kiwan! Madame Poutine. Oh, c'était ridicule. On aura-tu fait des niaises ce soir? Quel souvenir? Je m'en rappelle déjà comme si c'était tantôt. Ouais. Around the room, I can tell that you are the most beautiful girl in the room, in the whole wide room. And when you're on the street, depending on the street, I bet you are definitely in the top three good-looking girls on the street. Yeah, depending on the street. And when I saw you at my mate's place, I thought, what is she doing at my mate's place? How did Dave get a hottie like that to a party like his? Good one, Dave. Ooh, you're a legend, Dave. I asked Dave if he's gonna make a move on you. He's not sure. I say, Dave, do you mind if I do? He says it doesn't matter, but I can tell it kind of minds. But I'm gonna do it anyway. I see you standing all alone by the stereo. I dim the lights down to very low. Here we go. You're so beautiful. Beautiful. You could be a waitress. You're so beautiful. You're so beautiful. Well, you could be a part-time model. And then I seal the deal. I do my moves, I do my dance moves. Let's get in a cab. I'll buy you a cabana. I can't believe that I'm sharing a cabana with the most beautiful.